بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur l'étude de Al-Qawa'id Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Cette œuvre du grand savant Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen concernant les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal et ses attributs de perfection. Et donc dans la dernière assise, on avait évoqué une introduction, une muqaddima, une préface de Cheikh Ibn Baz, et on avait commencé après la présentation de cette œuvre, du livre Al-Qawa'id Al-Muthla, on avait commencé les propos ou la lecture des premiers propos de l'auteur dans Al-Qawa'id Al-Muthla. Et donc on a appris au début de l'œuvre que la croyance en Allah Azza wa Jal nécessite de croire en quatre choses. Croire en son existence, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité et croire en ses noms et ses attributs. Donc l'auteur commence son œuvre, comme on l'avait mentionné dans la dernière assise, par فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِ أَحَدُ أَرْكَانَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَى. Et donc il dit, en commençant son œuvre, que la croyance en nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal est un pilier parmi les piliers de la croyance en Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce qu'il dit croire en Allah nécessite de croire en son existence, premièrement, comme on l'a dit, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité et croire en ses noms et ses attributs. Donc concernant l'existence d'Allah Azza wa Jal, les preuves dans le noble Coran sont nombreuses. Concernant la croyance en la seigneurie d'Allah, ce qu'on appelle Ar-Rububiyya, dans le Coran aussi, les preuves sont nombreuses. Le fait qu'Allah Azza wa Jal est le créateur et le seigneur de toutes choses. Dans un verset, Allah dit Allahu Rabbukum wa Rabbu Abaikum. Allahu Rabbukum wa Rabbu Abaikum al-Awwalin. Dans un verset, Allah est votre seigneur et il est le seigneur de vos ancêtres les premiers. Dans un verset, dans Surat al-Fatiha, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Et donc, dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal nous informe au sujet de sa seigneurie. Qul, ou Qul, man rabbu samawati wal ard. Dit qui est le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, les versets sont nombreux où la seigneurie d'Allah Azza wa Jal est mentionnée, c'est-à-dire qui sous-entend ou sous-entend la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième ou la troisième croyance, la croyance en la divinité. De même, les versets qui sous-entendent la divinité d'Allah Azza wa Jal sont nombreux. Shahid Allah wa annahu la ilaha illahu, par exemple. Ou dans un autre verset. Wa ma min ilahin illallah. Et dans un autre verset. Qul innama huwa ilahun wahid. Qul innama huwa ilahun wahid. Dans un autre verset, a ilahun ma'allah. Tout ça, ce sont des versets qui mentionnent la divinité d'Allah, wa annahu wal ilah al-wahid. En ce qui concerne la croyance au nom et aux attributs d'Allah, les versets aussi sont nombreux. Comme dans la sourate al-Isra, falahu al-asma ul-husna. Dans un autre verset, Allah dit, walillahi al-asma ul-husna. Dans la sourate al-A'raf. Et dans un autre verset, Allah dit « Lahu l'asma'u l'husna » dans la surat Taha et dans la surat Al-Hashr. Et donc, c'est pour ça que certains savants enseignent une très belle règle, une très belle parole en disant « Qad dhakara ba'd ahli l'ilmi anna l'iman bi al-rububiyyati yastalzim al-iman bil-uluhiyya » وأن الإيمان بالألوهية يستلزم الإيمان بالأسماء والصفات وقالوا كذلك الإيمان بالأسماء والصفات يتضمن الإيمان بالألوهية والربوبية والإيمان بالألوهية يتضمن الربوبية وأن من أتى بالإيمان بالربوبية فقط ليس ينفعه حتى يأتي بالإيمان بالألوهية والأسماء والصفات. Dans une très belle règle que je vous recommande de noter, certains savants ont dit que al-iman bi rububiyya, on dit que la croyance en la seigneurie d'Allah implique la croyance en la divinité. On peut rester sur les termes en arabe, la croyance en rububiyya, en la seigneurie, implique la croyance bil uluhiyya, annahu al-ilah al-ma'bud. Et la croyance bil uluhiyya et la croyance en la divinité implique la croyance aux noms et aux attributs. Wal iman bil uluhiyyati yastalzim al iman bil asma' wa sifat. Et donc la croyance en la divinité implique la croyance aux noms et aux attributs. Wa qalu kadhalik, ils ont dit encore certains savants, al iman bil asma' wa sifat, la croyance aux noms et attributs, yatadammanu l'imana bil uluhiyati wa rububiyya. La croyance aux noms et aux attributs implique la croyance en al-uluhiyya wa rububiyya. Les deux. Je vous répète, certains savants stipulés, al-iman bil asma'i wa sifat, yatadammanu l'imana bil uluhiyati wa rububiyya. Certains considèrent que la foi, la croyance aux noms et aux attributs divins d'Allah Azza wa Jal, plutôt pas implique. Yatadammanu, pardon. En français dit yatadammanu sous-entend ou induit. La croyance aux noms et attributs sous-entendent ou induisent la croyance en la divinité et la seigneurie. En al-uluhiyya والربوبية. Et la croyance بالألوهية والإيمان بالألوهية يتضمن الربوبية. Et la croyance en la divinité sous-entend, induit la croyance en la seigneurie. وأن من أتى بالإيمان بالربوبية فقط ليس ينفع حتى يأتي بالإيمان بالألوهية والأسماء والصفات. Et pour cela, les savants disent: et donc celui qui a cru en l'unicité de la seigneurie, qui a cru en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal seulement, cela ne sera point utile et profitable pour lui jusqu'à ce qu'il croie en al-uluhiyya, en la divinité et au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Wal jadiru bi dhikr anna al-ashahira qad ja'alu al-imana qasiran ala al-rububiyya. فَالْإِمَانُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مِنَ الْإِمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et ce qu'on peut évoquer, c'est que certaines doctrines, comme la doctrine des Asha'ira, eux ont considéré que la croyance en Allah, c'est croire en sa seigneurie. Dans le sens que l'unicité, ils l'ont restreint en la croyance en l'unicité de la seigneurie. قَدْ جَعَلُوا الْإِمَانَ قَاسِرًا عَلَى الرُّبُوبِيَّةِ. Pour eux, la croyance en l'unicité d'Allah, ils l'ont restreinte en la croyance en la seigneurie. Et c'est pour cela que les savants font le rappel, les grands théologiens musulmans, que la croyance au nom et aux attributs d'Allah fait partie de la croyance en Allah. Donc ça, c'est en ce qui concerne les quatre points qu'a mentionné l'auteur concernant la croyance en Allah. C'est croire premièrement, en récapitulatif, en l'existence d'Allah Azza wa Jal, et les preuves dans le Coran sont nombreuses. Croire en la seigneurie d'Allah, deuxièmement. Troisièmement, croire en la divinité. Et quatrièmement, croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on s'est arrêté hier, aussi lorsque l'auteur nous enseigne l'invocation, en nous disant qu'il y a deux sortes d'invocations. L'invocation qu'on appelle Dua al-Masala, et l'invocation qu'on appelle Dua al-Ibada. Dua al-Ibada. Donc je ne vais pas revenir sur les dires de l'auteur concernant Ad-Dua Al-Masala ou Ad-Dua Al-Ibada, puisqu'on l'a évoqué hier, mais dans la dernière assise, on avait commencé l'explication de ce passage. Dua Al-Masala ou Ad-Dua Al-Ibada. Donc les savants disent qu'il y a deux sortes, en l'occurrence l'auteur explique qu'il y a deux sortes d'invocations. La première, c'est ce qu'on appelle littéralement l'invocation de demande. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle littéralement l'invocation d'adoration. L'invocation d'adoration. Qal al-musannif rahimahullahu ta'ala. Donc là, hier, on avait dit dans l'assise que je commençais à lire l'édition Dar al-Athar. Là, aujourd'hui, je vais commencer sur la lecture de l'édition justement de la fondation de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, cette fondation justement qui ont édité les livres, justement de nombreux livres de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Ceux qui suivent avec cette édition-là de la fondation de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, donc on lit. Sauf que parfois, vous pourrez remarquer qu'il y a des passages que parfois je peux omettre de lire et donc de traduire. Pourquoi? Soit parce que peut-être le sujet sera évoqué plus loin, soit parce que peut-être le sujet est un peu compliqué, ou soit pour d'autres raisons, ou aussi pour avancer. Donc parfois, ça peut arriver que certaines questions, par exemple dans cette édition-là, par exemple, il y a des masaïl. Il y a des masaïl. Donc ça se peut que certaines questions, on va les lire et donc les traduire. Et peut-être parfois je vais passer certains paragraphes ou certains passages pour pouvoir avancer. Surtout lorsque le thème a bien été compris et assimilé. Donc on peut nouasil al-kalam bi-idhnillahi jalla jalalu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-asma ou al-husna. Lorsqu'ils ont dit, on parle de souvent Al-Asma ou Al-Husna sont traduits par les noms sublimes. Par les noms sublimes. Ou bien les noms parfaits, parfois. Pourquoi le terme Al-Asma ou Al-Husna? Al-Asma ou Al-Husna yadullu ala anna jami'i asma'ihi husna. Anna jami'i asma'ihi husna. Wa husna ismun tafdil. Muzakkaruh ahsan. أي الحسن التي ليس فوقها شيء في الحسن أما غير الله فأسماؤه قد تكون حسنى وقد تكون غير حسنى وقد لا يكون لها معنى لكن أسماء الله كلها حسنى. Et donc le terme husna en français c'est un superlatif. C'est un superlatif pour dire littéralement les plus beaux. Pour dire littéralement les plus parfaits, les plus beaux. Ismun tafdil. Et son masculin, le masculin de ce terme, c'est Ahsen en arabe. Al-Ahsen. Et donc, l'auteur dit Al-Husna, donc ça c'est dans son explication, il dit Al-Husna, Allati laysa fawqaha shay'un fil husn. Al-Husna, lorsqu'on décrit quelque chose et on informe au sujet de quelque chose de Al-Husna, c'est lorsqu'il n'y a rien de plus parfait, de plus beau que celui-ci. Il n'y a rien de plus parfait ou de plus beau. Il n'y a rien de plus beau, de plus husn que celui-ci. C'est-à-dire, Amma ghayrullah fa asma'uhu qad takun husna wa qad takunu ghayra husna. Et donc, il n'y a personne en dehors d'Allah qui détient les plus beaux noms, des noms sublimes, des noms parfaits, comme Allah Jalla wa Ala les détient. Walillahi al-asma al-husna. Et Allah appartient, Allah nous dit dans le Coran, les noms sublimes, les plus beaux noms. Et donc, autre qu'Allah, en dehors d'Allah, autre que lui, peut avoir des noms qui sont husna, des beaux noms, comme peut avoir des noms qui sont pas husna, qui sont pas forcément beaux. Wa qad la yakunu laha ma'nan. Et autre cas-là peut avoir même des noms qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens. Mais en ce qui concerne le Créateur, en ce qui concerne Allah, ces noms sont tous husna, font partie des noms sublimes et les plus beaux. Wa qawlu al-husna يدل على أنه لا يمكن أن يكون في أسماء الله أي احتمال لنقص، لأنه لو كان فيها احتمال لنقص ما كانت حسنى. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela ? Un enseignement très important. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela ? C'est qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible que les noms d'Allah puissent sous-entendre une imperfection. C'est pas possible. Sous-entendre ou bien supposer. Cela est impossible. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَحْتِمَالٍ لِنَقْصٍ مَا كَانَتْ حُسْنًا. Pourquoi ? Parce que si ces noms-là pouvaient sous-entendre ou bien supposer une imperfection ou une diminution, alors elle ne serait pas husna. Elle ne serait pas husna. وَمِنْ ثَمَّ تَبَيَّنَ لَنَا خَطَأُ مَنْ قَالَ إِنَّ الدَّهْرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ إِسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِي يُؤْذِينِي إِبْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار الحديث. C'est pour cela qu'il dit dans une faïda, il dit beaucoup se sont trompés lorsqu'ils ont pensé que الدهر, ce qu'on pourrait traduire par le temps, الدهر, fait partie des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. Conformément au hadith divin, dans un hadith divin, Allah Azza wa Jal dit يؤذيني ابن آدم. Ibn Adam me cause du tort. Traduction littérale. Me cause du tort. يَسُبُّ الدَّهْر. Il insulte le temps. الدَّهْر. Alors que moi je suis le temps. Dans le hadith divin il est dit بِيَدِي الْأَمْر. Entre mes mains ou ma main. الْأَمْر. Entre mes mains l'affaire. وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Et Allah dit je fais alterner le jour et la nuit. Lui appartient cela. Et donc certains ont compris de ce récit que Ad-Dahr, lorsqu'Allah dit et moi je suis Ad-Dahr, que cela fait partie de ses noms sublimes. Mais l'auteur, il va expliquer cela dans ce qui viendra, qu'il considère que ça ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour revenir donc à la question ensuite. Donc ça c'était sur l'explication du terme Al-Husna. Et on reviendra lorsqu'on expliquera, lui-même l'auteur va expliquer son titre, l'intitulé du livre. Pour revenir à la dua masala, donc l'auteur avait dit dans l'explication dua masala tian taj'al asma Allah wasilatan ay muqaddimatan bayna yaday dua fa taqul ya ghafur ighfir li ya rahim irhamni. Par exemple, la demande ou l'invocation de demande, c'est lorsque tu invoques Allah azza wa jalla. Et donc on avait appris qu'il était pertinent que lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, d'utiliser ses noms sublimes, ses plus beaux noms, pour l'invoquer. Et donc, au début de l'invocation, d'implorer Allah Azza wa Jal par ses plus beaux noms. Et que cela, d'utiliser, de choisir un nom d'Allah Azza wa Jal qui convient avec la demande. Si par exemple on demande le pardon, on dit « Oh toi le grand pardonneur, Ya Ghafur par exemple, pardonne-moi ». Et ça fait partie, les savants disent, ça fait partie du comportement lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, de choisir un nom d'Allah Azza wa Jal qu'il convient avec la demande. Qui convient avec la demande. Et donc, Allah nous dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُهُ بِهَا. Allah, à lui appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ses plus beaux noms. Donc Allah nous ordonne de l'invoquer par ses plus beaux noms. Si on veut qu'Allah nous fasse miséricorde, on dit « Ya Rahim, Rahamni ». Ô toi, le clément, le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Et donc, il dit « Huna qaddamta al-ism ala talab ». Et donc, à ce moment-là, tu as fait prévaloir, tu as devancé le nom par rapport à la demande. Le nom par rapport à la demande. « Qalu » et dit de ce fait, les savants ont dit « Min al-adab » أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء فإذا كنت تطلب الرزق تتوسل باسم الرزاق كما قلنا. Et donc l'auteur dit aussi, et ça fait partie du comportement donc de choisir le nom qui convient. Si tu implores qu'Allah Azza wa Jal t'accorde la subsistance, utilise son nom, celui qui accorde et pourvoit à la subsistance. Certains le traduisent par le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance, Ar-Razzaq. Et donc, tu l'invoques par cela. Ô toi qui pourvois ou accordes la subsistance, accorde-moi un risque, par exemple. Et de cette manière, وَإِذَا كُنْتَ تَطْلُبُ الْمَغْفِرَةَ تَتَوَسَّلْ بِاسْمِ الْغَفُورِ يَعْنِي لَا تَقُولْ اللَّهُمَّ يَا شَدِيدُ الْعِقَابِ اغْفِرْ لِي. Par exemple, il dit, ne dis pas, par exemple, tu utilises le nom d'Allah, ô Seigneur, toi qui es dur en châtiment, pardonne-moi. يَا شَدِيدُ الْعِقَابِ. Une traduction relative, ô toi, dur en châtiment, pardonne-moi. Là, il dit, utilise son nom, Allah Azzawajal, c'est le pardonneur, Al-Ghafur. لِأَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ. Pourquoi? Parce que si tu dis, ô toi, dur en châtiment, pardonne-moi, ça ne convient pas avec la demande. Et ils disent que ça fait partie, min al-adab, du comportement d'utiliser le nom qui convient. وَإِنَّمَا تَقُلْ يَا غَفُرْ اِغْفِرْ لِي. إِذَن, دُعَا إِلَّهِ تَعَالَ بِالْمَسْأَلَةِ إِمَّا أَن تُقَدِّمَ الْأَسْمَاءِ وَتَأْتِيَ بِالْمَطْلُوبِ أَوْ تُقَدِّمَ الْمَطْلُوبِ وَتَأْتِيَ بِالْأَسْمَاءِ فَيَشْمَلُ هَذَا وَهَذَا. Et là, il répond à une question très pertinente. Là, on a dit qu'on fait devancer le nom. On a al-ism et on a al-talab. On a al-matloub. On a le nom et on a la demande. C'est quoi la demande? C'est ce qu'on va demander au créateur. C'est pour ça qu'on appelle ça dua al-masala. Dua al-masala parce que c'est une invocation de demande. Donc on a le nom d'Allah Azzawajal et on a la demande. Là, on a donné l'exemple lorsque tu fais devancer le nom. Tu fais devancer le nom. Ô Rahim, ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Est-ce qu'on pourrait inverser? D'abord, mentionner At-Talab et ensuite le nom. Le nom d'Allah Azzawajal. L'auteur ici, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, il dit, cela est possible. Cela est possible. Que tu qaddim, que tu fasses d'abord devancer le nom, ensuite la demande. Ou tu qaddim al-matloub wa ta'ti bil asma, ou bien d'abord la demande, ensuite le nom. Fayashmalu hadha wa hadha. Les deux sont sous-entendus qu'on peut faire. Thumma qal. On va passer bard al-masail qui sont dans cette dans l'édition de la fondation de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. On passe certaines masail, thumma qala. En ce qui concerne maintenant dua al-ibada. Dua al-ibada. On avait lu le matn sur cela et on était sur l'explication. Dua al-ibada. Qala al-shaykh. Fa idha alimta annahu tawwabun fa innaka tas'a fi at-tawbah. Wa li hadha daraba mathalan fa qala fa taqumu bit-tawbati ilay li annahu at-tawwab. وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. Et donc, dans la dua d'adoration, la dua d'adoration, il dit, et là il y a une très belle faïda, un très bel enseignement. Il dit, tu te repentis vers Allah Azza wa Jal, pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah Azzawajal, parmi ses noms, At-Tawwab. At-Tawwab fait partie des noms d'Allah. Qui, dans un sens rapproché et relatif, veut dire celui qui accorde, accueille le repentir de ses serviteurs. Et toi, tu sais qu'Allah, parmi ses noms, At-Tawwab. Donc ça te mène, ta connaissance de ce nom, te mène à chercher, à te repentir vers lui. C'est pour ça que l'étude des noms et des attributs d'Allah sont très importantes. Sont très importantes. Et nous, on va étudier ce que vraiment on a besoin. On va étudier vraiment ce que vraiment on a besoin. On va essayer de faire ça très simplement. Sans aller dans les complexités ou les choses un peu plus compliquées. Tu sais qu'Allah, parmi ses noms, At-Tawwab, il est celui qui accorde le repentir. Alors tu cherches le repentir auprès d'Allah, Azzawajal. Et donc, tu mentionnes cela avec ta langue. Tu te repentis et tu le dis, tu le professes. Pourquoi? Parce qu'aussi tu sais qu'Allah est Samia. Parce qu'aussi tu sais qu'Allah, Parmi ces noms, As-Sami'a, celui qui entend tout, Subhanahu wa Ta'ala. وتتعبد له بجوارحك. Et tu l'adores avec ton corps, avec tes membres. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah, parmi ses noms, Al-Basir, le clairvoyant, souvent traduit de la manière, c'est-à-dire celui qui voit tout. وتخشاه في السر. Mais tu le crains aussi, ton Créateur, en secret. Lorsqu'on dit tu le crains en secret, c'est-à-dire lorsque tu es seul, tu crains ton Créateur. Tu le crains en secret. Pourquoi? Parce que tu sais que Wallatif al-Khabir. Tu sais qu'Allah est le bien informé. Rien ne lui échappe. Donc, cette faïda, elle est immense. Pourquoi? Parce que par rapport à votre connaissance des noms du Créateur, des noms sublimes d'Allah Azzawajal, on voit que ça a un impact sur votre manière de l'adorer et sur votre adoration. Lorsqu'on a la connaissance qu'il est Tawwab, on cherche à se repentir. Lorsque on sait qu'il est Samir, alors on professe cela. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. قال في الشرح وكذلك ايضا دعاء العباده يكون في الاسماء فاذا كنت تعلم ان من اسماء الله التواب فمقتضى هذا العلم ان تتوب اليه لانه تواب فلا ييأس فلا تيأس واذا كنت تعلم انه سميع فمقتضى هذا العلم أن تتجنب كل قول لا يرضاه الله عز وجل فإن لم تفعل كان إيمانك بالسميع ناقصا لأنك تعلم أن الله تعالى يسمع كل ما تقول ثم تذهب تغتاب الناس مثلا وقد نهاك الله عز وجل فأنت لم تحقق الإيمان بأنه السميع لأنك لو حققته لتجنبت ما يغضبه ولفعلت ما إذا سمعه منك رضي أو رضي عنك وهذا عبادة وكذلك البصير تؤمن بأنه بصير يرى كل شيء فلو فعلت ما لا يرضاه لم تكن محققا الإيمان بأنه بصير وإذا علمت أن الله غفور استغفرت الله والاستغفار عبادة وقوله تذكر بلسانك لأنه السميع فتقول لا إله إلا الله لأنك تؤمن بأن الله يسمع إذن أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء ومقتضاها ما يتضمن معناها وعلى هذا فيكون دعاء الله تعالى بأسماء الله شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة. Et là dans l'explication c'est très pertinent. Écoutez bien, je vais essayer de vous traduire d'une manière résumée. Alors il dit, dans l'explication, il y a la vocation qu'on appelle d'adoration. Donc la vocation de demande, on l'a compris. On l'a comprise à présent. Maintenant, ce que les savants appellent la vocation d'adoration. La vocation d'adoration, il dit, la vocation d'adoration aussi, elle est liée au nom. Du fait qu'il dit, si tu sais qu'Allah Azzawajal, on revient avec le même exemple, At-Tawwab. Allah est celui qui accorde le repentir. Alors, ce savoir-là, cette science que tu as, que tu possèdes, te mène vers le repentir et de te repentir vers ton Créateur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ne désespère pas, il dit. Donc, de ce fait, tu ne désespères pas. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah Azzawajal accorde le repentir. Fala tayyas. Ne désespère pas. Vous avez vu déjà la connaissance des noms d'Allah Azzawajal, comment cela est une cause d'apaisement du cœur du croyant. Tu vas pas désespérer. Lui, Shaitan, veut te faire désespérer. Mais toi, tu ne vas pas désespérer puisque tu connais ton Créateur. Ma'rifatullah. Et justement, la première obligation pour tout croyant et croyante, c'est la connaissance du Créateur. Et pour connaître le Créateur, il faut étudier et apprendre ses noms et ses attributs. Et donc, le croyant ne va pas désespérer parce qu'il sait qu'Allah est le Tawwab, celui qui accorde le repentir. Accepte, lorsqu'on dit accorde le repentir, il accepte le repentir. In kunta ta'lam annahu as-sami'. Alors, si maintenant tu sais qu'Allah aussi est as-sami', celui qui entend tout, ça implique quoi? Ça va impliquer que tu vas t'écarter de toute parole qui peuvent mettre en colère le Créateur. Ou toute parole qui rentre pas dans le contentement du Créateur. dont le Créateur n'est pas satisfait. Parce que tu sais qu'Allah est As-Sami'a. Il dit, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ Si tu fais pas, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais pas quoi? Le fait de t'écarter, si tu ne t'écartes pas de toute parole qui peuvent mettre en colère ton Créateur ou bien qui ne satisfait pas ton Créateur. Si tu ne fais pas cela, tu ne t'écartes pas de cela, alors il dit ta croyance, ton iman au fait qu'Allah est As-Samir et celui qui entend tout est naqif, elle est déficiente. Elle n'est pas complète dans le sens. Elle est diminuée. لِأَنَّكَ تَعْلَمْ Pourquoi? Parce que toi d'un côté, tu sais qu'Allah est Samir, il entend tout. Et ensuite, toi par exemple, tu pars et tu commences à calomnier ou à médire telle et telle personne. Tu fais, il dit, Al-Riba, par exemple. مثلاً. Alors qu'Allah t'a interdit de faire Al-Riba, la calomnie ou bien la médisance. فَأَنْتَ لَمْ تُحَقِّقَ الْإِيمَانِ Il dit, tu n'as pas réalisé ta croyance au fait qu'Allah est Samia. Au fait qu'Allah est Samia. لِأَنَّكَ Parce qu'il dit, si vraiment tu aurais réalisé cela, tu te serais écarté de tout ce qui peut mettre en colère le Créateur parmi les propos, parmi les paroles. وَلَوْ فَعَلْتَ مَا إِذَا سَمِعَهُ مِنْكَ رَضِيَ عِنْكَ فَأَدِي عِبَادَ Par contre, regardez le lien avec l'adoration. Par contre, si tu fais à l'inverse, si tu fais les choses qui font qu'Allah Azzawajal va t'agréer lorsqu'il les entend. Comprenez bien. Par contre, c'est à l'inverse. Tu fais les choses dont Allah Azzawajal sera satisfait lorsqu'il les entend. Pourquoi? Parce qu'Allah est celui qui entend tout. Et toi, tu crois, tu as pris le nom As-Sami'a. Wa huwa As-Sami'u Al-Alim, par exemple. Souvent dans le Coran. Alors, si toi tu fais à l'inverse, ce qui fait que lorsqu'Allah Azzawajal entend cela, sera satisfait de toi, à ce moment-là, ça devient une adoration. Il dit, à ce moment-là, voilà, il dit ibada. Et donc, ça s'appelle du'a al-ibada. Ça devient une adoration. Kadhalik al-basir. Du même, le nom qu'Allah Azzawajal est celui qui voit tout, le clairvoyant. Tu crois qu'Allah est le clairvoyant. Moi, je traduis de manière littérale, c'est souvent traduit de la sorte. Qu'Allah est celui qui voit tout. Yara kulla shay. Le shaykh, il explique qu'Allah voit tout. Yara kulla shay. Falaw fa'alta ma la yarda, lam takun muhaqqiqan l'iman bi annahu basir. Si toi, tu fais maintenant quelque chose dont Allah n'est pas satisfait, il dit, tu n'as pas réalisé ta foi au nom d'Allah ou au fait qu'Allah Azzawajal est le clairvoyant, il voit tout. Il dit, par exemple, si tu sais qu'Allah est le grand pardonneur, tu sais qu'Allah est Ghafur, le grand pardonneur, qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes pardon. Tu cherches à lui demander pardon. Ou al-istighfar. Et donc al-istighfar, la demande de pardon, c'est quoi? C'est une adoration. Ibadah. قَوْلُهُ تَذْكُرُ بِلِسَانِكَ لِأَنَّهُ السَّمِعَ La parole lorsqu'il dit. Donc de ce fait, tu l'évoques avec ta langue parce que tu sais qu'Allah est celui qui entend tout. Il explique, il dit. Par exemple, tu dis « La ilaha illallah » parce que ça fait partie de ta croyance au fait qu'Allah Azzawajal entend tout. « إِذَنْ أَنْ تَتَعَبَّدْ لِلَّهِ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْأَسْمَى » Et donc, on comprend bien et on voit bien. Regardez ce qu'il va dire, c'est très subtil. On adore Allah conformément aux implications ou aux indications de ses noms. Si on peut dire de la sorte. On adore Allah, Allah est adoré conformément aux implications, aux indications de ses noms. Puisque As-Samir implique qu'Allah Azzawajal entend tout. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, on l'adore en conséquence. Qala. وعلى هذا فيكون دعاء الله تعالى بأسمائه شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة. Et donc, pour conclure, pour résumer, regardez, il dit, pour conclure, Il résume une très belle parole. Et donc, l'invocation d'Allah par ses plus beaux noms, par ses noms sublimes, englobe l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Et maintenant, vous savez pourquoi les savants disent cela. Pourquoi l'invocation par les plus beaux noms d'Allah, invoquer Allah par ses plus beaux noms, ça englobe aussi bien l'invocation qu'on appelle mas'ala, de demande, et ça englobe aussi bien aussi l'invocation d'adoration. L'invocation d'adoration. Et même certains donnent dans une règle, min bab al-faïda, certains donnent dans une règle, kullu du'a ibada mustalzim li du'a al-mas'ala. Certains disent que toute invocation d'adoration implique. Lorsqu'on dit implique, c'est-à-dire ça rend obligatoire. Implique forcément l'invocation de demande. Je vous le répète, notez-le. Kullu du'a ibada mustalzim li du'a al-mas'ala. Toute invocation d'adoration implique du'a al-mas'ala, la demande, l'invocation de demande, pardon. Et toute invocation de demande sous-entend, induit. Lorsqu'on dit montandam min, on verra mieux dans ce qui viendra, puisque le terme on va souvent l'utiliser dans, à travers l'étude de ce livre, de cette œuvre. Alors, par contre, à l'inverse, kulludura masala, toute invocation de demande, montandam min lidura al-ibada. Sous-entend, induit, l'invocation d'adoration. Et donc, l'invocation de demande, on trouve cela dans le noble livre, dans le Coran. فَدُعَى الْمَسْأَلَةِ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ وَهُوَ أَكْثَرْ مِنْ أَنْ يُحْثَرَ وَهُوَ يَتَضَمَّنُ دُعَى الْعِبَادَ. Et donc, si vous observez le noble livre, le Coran, vous verrez que l'invocation de demande, on ne peut pas la dénombrer. Si on voudrait dénombrer, il y a de nombreux versets, dans de nombreux passages dans le Coran, il y a du'a al-mas'ala. Sauf que du'a al-mas'ala, aussi, elle est nombreuse, comme on l'a dit dans le Coran, sous-entend, mutadam min, et induit l'invocation d'adoration. L'invocation d'adoration. لِأَنَّ السَّائِلَ أَخْلَصَ سُؤَالَهُ لِلَّهِ. Pourquoi ? Parce que certains savants disent, parce que celui qui demande, il essaie d'être sincère dans sa demande. Donc, akhlasa su'alahu lillah, il a vraiment essayé de demander avec sincérité. Wa dhalika min afdal al-ibadat. Et la sincérité fait partie des meilleures adorations. Fait partie de grandes adorations. Wa kadhalika dhakr lillah wa tali li kitabillah wa da'in 'abid. Et donc, de ce fait, ils disent, celui qui invoque Allah, celui qui récite le noble livre, en réalité, il invoque et il adore, il est dévot en même temps. Il invoque, il demande et il est dévot. Il est dévot. Et même certains savants disent, à travers toutes nos adorations, ça sous-entend quoi ? Ou plutôt ça implique, comme on l'a dit, l'invocation d'adoration implique l'invocation de demande. Ça implique qu'on demande. On demande la récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. On cherche la miséricorde d'Allah. On espère en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers nos adorations, pardon, on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Thumma qala. Après qu'il ait évoqué les deux sortes, les deux catégories d'invocation, il dit wa min ajli manzilati hadhihi. ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. Et là, Cheikh continue maintenant à nous, il nous présente son œuvre. Il nous dit, et par rapport, pour cause, durant élevé, de ce qu'on a mentionné précédemment. وَمِنْ أَجْلِكَ لَا مِنَّا سِفِهِ بِالْحَقِّ تَارَةً. Et du fait que beaucoup de gens ont traité ce sujet-là, et certains parfois ont dit la vérité sur le sujet, et parfois certains se sont trompés. et on dit le faux sur le sujet. Ce faux-là, al-batil, qui est décrit comme batil, est dit peut-être, cela est dû à l'ignorance, ou bien cela est dû parfois au fanatisme. Au fanatisme. Ahbabtu, et donc de ce fait, Cheikh, il dit, l'auteur, j'ai aimé écrire ma tayassara min al-qawa'id, écrire ce qui pouvait être simple parmi les règles à connaître. Parmi les règles à connaître concernant ce sujet. Dans l'explication, donc c'est pertinent parce que lorsqu'on dit qal al-mu'allif wa qal al-shari'h, c'est le même. Là, on a le même. Très rarement, on a lu des livres où que l'auteur de l'œuvre, de l'écrit et de l'énoncé lui-même et l'auteur du commentaire est le même auteur. Donc là, l'auteur, il dit de ses paroles. Écoutez bien, très pertinent ce qu'il va dire dans l'explication de ce passage. De ce passage. I'alam an al-khawd fi bab al-asma' wa sifat taratan yakun bil-haq wa taratan yakun bil-batil. Amma man qala fihi bil-haq فمن شاء قوله هذا يريد الحق فيقول فيه بالحق وأما من قال فيه بالباطل من شاء قوله واحد من أمرين فمن شاء قوله واحد من أمرين إما الجهل إما التعصب سواء كان التعصب للنفس أو للإمام أو للشيخ أو ما أشبه ذلك. Regardez, il dit ce sujet-là. Concernant les noms et les attributs. Alors, certains qui ont débattu dans le sujet, parfois on dit la vérité, et parfois, comme on l'a dit précédemment, l'auteur dit, ils ont dit le faux, et propagé le faux. Alors, il dit que la cause à cela, lorsque parfois on parle faussement sur le sujet, il dit la cause est due à l'ignorance, ou bien c'est dû au fanatisme. Deux choses. Donc il va mentionner deux facteurs. L'ignorance ou le fanatisme. Et le fanatisme, il dit, que ce soit un fanatisme lié à la personne, ou bien un fanatisme lié à un imam, un guide, ou bien un fanatisme lié à un shir, ou un majbadalik, et autres causes de fanatisme. Isma ila qawlihi ta'ala. Il dit, écoutez la parole d'Allah. Dans le verset Surat al-Zukhruf, le verset 22, Allah dit Inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Ils dirent, Allah nous informe au sujet des gens, ils dirent Inna wajadana, nous avons certes trouvé nos ancêtres, aba'ana, nos ancêtres ala ummah. Donc, ils ont trouvé leurs ancêtres sur. On reste sur le terme en arabe littéral qui est mentionné ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Et nous suivons, nous prenons ce qu'ils ont laissé leurs traces comme guidés. Parce qu'ils ont trouvé leurs ancêtres sur cette guidée-là, ils suivent cela. Hada ta'assub. La cheikh il nous explique, c'est ça ce qu'on nous en français on dit. Après il peut avoir une autre appellation en français, at-ta'assub, c'est ça ce qu'on appelle une sorte de fanatisme. Une sorte de fanatisme. Il dit le ta'assub, c'est ça. فَإِذَا كَانَ عَلِمًا بِالْحَقْ وَأَصَرَّ عَلَى قَوْلِهِ الْمُخَالِفِ لِلْحَقْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّعَصُّبِ. Il dit par exemple, le fanatisme, on l'appelle comme cela, ta'assub en arabe. Dans un premier cas, il peut connaître la vérité. Mais il contredit la vérité, volontairement. Il contredit la vérité volontairement. Ça, c'est du fanatisme. أما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا من شاء قوله الجهل. Par contre, si lui, il laisse la vérité en professant le faux, pas parce qu'il connaît en réalité la vérité, mais veut pas la professer. Ça, on a dit, c'est du ta'assub. Il connaît la vérité, mais volontairement, il veut pas la professer. Donc, il ne la professe pas cette vérité-là parce qu'il ignore la vérité. Il la connaît la vérité, mais il ne veut pas la professer. Ta'assoub. Shir considère que c'est du ta'assoub, du fanatisme. Parfois, il est ignorant. Il délaisse la vérité et professe le faux, pas parce qu'il connaît la vérité, mais parce qu'il l'ignore. Parce qu'il l'ignore, cette vérité. Alors il professe le faux par ignorance. Et ce deuxième-là est plus proche du bien que le premier. Que le premier. لأن الجاهل إذا كان مريدا للحق إذا علم استقام. Pourquoi? Parce que l'ignorant, si vraiment il désire la vérité et recherche vraiment la vérité, lorsque celle-ci lui sera enseignée, il sera droit et va suivre la rectitude. لكن المتعصب هو المشكل. Par contre, il dit le fanatique, ça c'est un problème. Le fanatique, lui, c'est un problème. ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. Il dit c'est pour cela que tu vois beaucoup de gens qui étaient des savants de la dialectique. C'est souvent traduit comme cela en français, ilm al-kalam, la théologie dialectique ou des savants de la dialectique. Alladina khalafu al-haq, qui contredisait et professait le faux dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Qala tajidu ba'dahum. Tu vois que certains, du fait que vraiment c'était des gens qui voulaient la vérité, qui recherchaient la vérité, Allah Jalla wa Ala les a guidés vers cette vérité. Les a guidés vers cette vérité. Soit d'un retour complet ou soit d'un retour partiel. Traduction relative des paroles du shir. Soit d'un retour complet ou d'un retour partiel. Et l'imam Shawkani, dans l'édition d'Ar al-Athar, de Qa'id al-Muthla, de l'explication, il y a une très belle faïda de celui qui commente aussi, une très belle faïda évoquée de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani, dans son livre Adab al-Talab wa Muntaha al-Arab. Dans son livre-là, il dit « Les causes du fanatisme sont nombreuses. » Et parmi ces causes, regardez ce qu'il dit. « Asbab al-wuqu' fi ta'assubi wa hiya. » Et ça, c'est bien de le savoir. Pourquoi? Parce que parfois, faut pas se sentir tout le temps à l'abri. De dire là, on parle de gens qui ont sombré dans une forme de ta'assub, mais nous, on n'est pas des mutaassibines. Même nous, parfois, la ta'assab. On fait preuve de fanatisme. Souvent. C'est pour ça que lorsqu'on apprend, il faut déjà regarder soi-même, on en est où par rapport à ces enseignements-là. Mais parfois, nahnu nata'assab pour un shir ou pour une idée, alors qu'on sait pertinemment. Et souvent, on le sait. On se fait fanatique d'un avis, mais au fond de nous. On aimerait cet avis soit vrai, mais on sait au fond de nous que c'est faux. Il y a beaucoup d'exemples. Hatta chez beaucoup de jeunes de la sunna, de jeunes qui s'apparentent à la sunna, qui suivent la sunna, ils aimeraient que certaines choses soient vraies, c'est une sorte d'idéal, mais au fond d'eux, s'ils creusent, elles sont fausses. L'image qu'ils ont donnée de Kibar al-Ulama, ils aimeraient avoir une image de Kibar al-Ulama, qui passe leur temps dans le riba ou le namima, ils pensent cela, c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas voyagé et se sont pas assis devant le ulama al-kibar. Il y a certains sujets que nous on évoque ici, certains sujets dont on passe du temps à évoquer, vous ne le ferez jamais avec le ulama al-kibar. Pourtant, on pense que le ulama al-kibar ont enseigné cela. Oui, ta sabun. Et sur beaucoup de questions, donc beaucoup de jeunes professaient et propageaient lorsqu'on leur a ramené kalam al-kibar, rafadou. Et ils nous ont ramené des paroles d'étudiants. Et Kalam al-Kibar, ils n'ont pas pris la parole de grands savants. Yadullu ala madha, ça indique quoi? At-ta'assub. Donc personne n'est à l'abri de at-ta'assub. Nata'assab. Il faut s'écarter du ta'assub. Regardez l'imam Shawkani, il dit. At-ta'assub asbab wuqu' at-ta'assub. Il dit, ils sont nombreuses. Wa minha an-nushu fi baladin mutamadhib bi madhhabin mu'ayyan. Le fait de grandir dans un pays où les gens suivent, sont fanatiques d'un madhab, d'une école de pensée, d'une doctrine. Et les gens ont grandi dans cette société-là, une société ou une doctrine, un madhhab est propagé et les gens s'en font fanatiques. Donc ça, c'est une cause. Le fait de d'évoluer dans une société telle peut être facteur que la personne s'y attaassab, va tomber dans le fanatisme. Ta'assum. Il dit hubb ash-sharaf wal mal. C'est très pertinent. Deuxième cause, parmi les causes, l'imam Shawkani dit dans son livre hubb ash-sharaf. Aimer la notoriété. Aimer être complimenté, en quelque sorte. Et aimer l'argent. Beaucoup, yata'assabun, pourquoi? Ils aiment trop les compliments et les éloges. Et l'argent. Et ça, c'est des causes de que la personne peut tomber dans ta'assab. Thalithan, il dit, al-jidal wal-mira. Wal-mira wa hubb al-dhuhur. Troisième cause, il cite, aimer les débats, la polémique. Aimer les polémiques, les débats, et aimer apparaître. Al-dhuhur. La personne, il aime toujours être mis en avant. Il aime al-dhuhur annahu yadhhar. Il aime apparaître. Et donc, ça, c'est des causes de at-ta'assub. Et regardez les beaucoup de gens qui ont sombré dans at-ta'assub et médité. Qala rabi'an su'ubat ar-ruju' ila al-haqq alladhi qala bi khilafi. Quatrièmement, il dit, certains restent dans leur fanatisme, pourquoi? Il est difficile de revenir dans la vérité lorsqu'on a dit le contraire de la vérité. La difficulté, la cause de dire la vérité, de revenir vers la vérité lorsqu'on professait le contraire de la vérité. C'est pas tout le monde. Ça demande, ça prouve la sincérité de la personne et la crainte de la personne. Cinquièmement, كَوْنُ الْمُتَكَلِّمْ بِالْحَقِّ صَغِيرًا. Cinquièmement, il dit, le fait que si la personne qui lui ramène la vérité, à ses yeux, est petite. La personne qui professe la vérité, c'est pas une personne pour lui de valeur. Sariran, il est petit. Ça va être dur d'accepter cette vérité. وَذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَسْبَابًا أُخْرَى فَلْتُرَاجَ. Et ils disent, et l'imam Shawkani dans son livre a évoqué d'autres causes liées au fanatisme. فَلْتُرَاجَ. De la page 39 jusqu'à la page 125. De la page 39 jusqu'à la page 125. On revient au qol de Cheikh Ibn Uthaymin. Qala. En ce qui concerne le ta'assub. Fahada ta'assubun. Fa'ida kana aliman bilhaq wa asarra ala qawlihi al-mukhalifi lilhaq kana dhalika min babi ta'assub. Wa amma ida kana la ya'alamu al-haq wa qala bilbatil fahada man sha'u. قوله الجهل وهو أقرب للاستقامة من الأول لأن الجاهل إذا كان مريدا للحق إذا علم استقام لكن المتعصب هو المشكل قال ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعا كليا وإما رجوعا. Et donc cette partie je l'ai traduit dans ce qui a précédé. Wa sanaktafi bi hadha al-qadr inshallah nukmil al-kalam fi halqatin qadima inshallah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum. Voilà.